Près de Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Méditerranée. Vous êtes donc en présence de Fred Cominatia. Nous sommes dans le son de l'underground. Encore un rendez-vous du jeudi 17h. J'espère que vous avez pris l'habitude donc, de nous retrouver. Au programme cette semaine, donc 3 heures dissociées, différentes. Une première heure de présentation de morceaux, soul, funk et autres, qui s'écoutent juste comme ça. On va faire une deuxième heure avec un mix nu disco, nu funk. Et une troisième heure en mode mix tech house, tous ces deux mix plutôt orientés vers du clubbing de qualité, on va dire, sans être donc dans de l'extrême ou du festival, qui est possible aussi dans cette émission de temps à autre. Donc eh bien, on va commencer par un premier morceau d'un groupe qui s'appelle Crack and Smack, je vous en parle souvent. C'est un groupe que j'aime beaucoup, qui est des Pays-Bas, un trio qui s'acoquine de très bons chanteurs dans le milieu de l'underground. Et donc on a un premier morceau qui s'appelle Toxic Love Affair. Allez, on est parti. So good, boy, you got the perfect cover. serenity of a love so true, that mystic chemistry with I'm with you. Crack and Smack, Toxic Love Affair. On enchaîne avec Aeon 7 pour un morceau qui s'appelle 7 Breaks. We'll be right back. Down 7, un morceau qui s'appelle Seven Breaks. On va enchaîner, excusez-moi, avec une chanteuse donc, qui est quand même une de mes chanteuses fétiches, Iso Fitzroy, une londonienne, avec un morceau qui s'appelle Break the Levy. 'Iso Fitzroy, Break the Levy, souvent sur le label Jalapeno Records, que je vous conseille vivement de suivre. On enchaîne aussi avec un groupe qui s'appelle The Allergies, qui sont aussi des groupes qui passent beaucoup de musique sur le Jalapeno Records. C'est donc des confrères et des amis de 'Iso Fitzroy. The Allergies, Push On. C'est parti. Yeah. The Allergies, Push On, un groupe qu'on a l'habitude donc d'écouter ici au son de l'Underground. On continue avec un autre Iso Fitzroy, un morceau qui s'appelle Back in the Glory Days avec une petite touche gospel sympathique. Iso Fitzroy, seulement dans le son de l'Underground. On va continuer avec un morceau hip-hop plutôt New Generation, avec une collaboration des Jets, des Machine Drum et de TK Mezza. Allez, on enchaîne tout de suite. Four-door, don't confuse it with a two-seater. Long hair won't fly, but my flow heater. You can tell what I am, I'm my own leader. These streets got me watching my back deeper. I two-step from those guys, stuck down, moving it about. I'm a fucker, ran it right down. Who I'm better pound, you don't know me. I'm chocolate mixed with the motive. Living in a sense of world full of voters. Call me cold, but I need to go for it. They don't wanna see us dead in the gold dust. I get it overseas, 100 degrees, dripping in the seas. It's my season, no one to please, never run a leash. Get my keys, get loaded in three, call it how I see. Ay, you a bitch and me, ay, moving on a beat. Wait, I ain't finished, let me say some. If you want the truth, let me say some. I'm a boss in a tank with my pants sagging. So tell them come through if they can't stand it. Wait, I ain't finished, let me say some. If you want the truth, let me say some. I ain't scared of a dude with a suit baggy. So tell them come through, I'm in the

Les Flevans accompagnés d'Iso Fitzroy, un morceau plutôt cool. On enchaîne avec The Funk Hunters pour un morceau qui s'appelle Ready to Go. When you're hunting with the hunters, you can be sure you're gonna eat. See my symbol moving nimble, you can be sure I'm on that beat. This is quite an expedition, a worthy journey, a mission. I only ask that you listen, or better yet, just envision. The hydrogen collider, I'm rhyming from deep inside her. I chop a verse in Russia, they feed it in southern China. This globe is burning, holding, we're engaged to the maximum. Come, take your place on the big stage, no relaxing in this lane. This lane is for fast runners, I'm off into boat frame. I'm passing like last summer, lightning my craft thunder. Studying gas wonder, calculate my words, alphabetically blast numbers. Welcome the prime, redesign and design. See a parallel world through a linear mind. Espresso shot for the blind, tell them it's boogaloo time. We got a mountain ahead, and I'm just itching to climb. I guess I'm ready to go. I guess I'm ready to go. Passes, I grip them with both hands. Bike coast and I'm living in both lands. 3 minute warning, answer to your calling. 7 long nights with 7 short mornings. Ready and I'm able to spin it faster than labels. Get turned higher than tables with true melodic fables. So watch, take heed and observe every word. I guess I'm ready to go. Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia. Mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Et oui, vous êtes bien sur Radio Méditerranée Var, vous êtes bien sur le son de l'Underground en compagnie de Fred Cominatia, un programme unique dans la région. On va continuer avec un artiste qui s'appelle Rishiko Moto pour un morceau qui s'appelle That Sound, qui est très inspiré de jazz. D'habitude, ce gars-là fait plutôt de la house, de la techno, de la deep house, des choses comme ça. Il est accompagné de Elimar, That Sound. Thank you. yourself another kind of life, not like the first time round. Two wrongs are never gonna make a right. Try a different song. He could shoulder sunken down to his knees, got a good thing going on. Yeah. don't know how to see the art of the invisible. Richie Komoto et Elimar pour un morceau qui s'appelle That Sound, quand jazz et électronique font bon ménage. On enchaîne avec un artiste plutôt habitué à de l'afro house, mais qui nous gratifie là d'un morceau un petit peu moins dansant, mais très plaisant à écouter, toujours aux tonalités africaines, avec une chanteuse qui s'appelle Ayanda Jia pour un morceau qui s'appelle Dancing. Oh, Ralph Gum, accompagné de Ayanda Jia pour un morceau qui s'appelle Dancing. On va enchaîner avec aussi un vieux de la vieille de l'Afro House qui s'appelle Tom Novi, accompagné de Vera Love's Music, pour un morceau qui s'appelle Flashlights. Decided to break out. Voilà, Tom Novi, on va finir cette première heure avec un autre Ralph Gum, cette fois-ci accompagné de Portia Monique pour un morceau qui s'appelle Aft. Left to sleep, I dig in me. Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia. Mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Nous avons fini notre première partie de présentation, de morceaux plutôt chantés et autres. On va donc continuer avec un mix nu disco, nu funk. C'est quelque chose que je suis en train de monter là avec mon pote David Air. On a un concept qui s'appelle Good Vibes qu'on va jouer un petit peu de ci, de là, dans plusieurs établissements, en back to back. Lui, il est là plutôt pour recentrer l'affaire sur de la mémoire collective et autres. Et j'apporterai aussi donc de l'injection de morceaux moins connus mais qui s'inséreront très bien sur des classiques. Donc on va se faire une petite heure de mix nu disco, nu funk. C'est parti.

that. Son of a bitch. in life, you gotta do what you want. You gotta be what you want. And you gotta say what you want. But always with respect. Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia. Mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Et oui, vous êtes toujours sur Radio Méditerranée Var. On s'est fait un petit mix nu disco, nu funk. J'espère que vous avez apprécié. C'est pas de la musique qu'on entend mixer comme ça, je pense, sur toutes les radios, surtout à cette heure-ci. Ça fait plaisir à l'apéro, de la disco, du funk, mais aussi de l'électronique. Voilà, ça c'est un concept qui va être introduit dans le Good Vibes, qui est avec mon pote David Air de Mirabel. Un concept qu'on va développer dans plusieurs endroits cet été et puis cet hiver aussi pour commencer. J'espère bien aussi sur des plages en plein air, car cette musique s'y prête favorablement. On va enchaîner donc cette dernière heure avec un mix Tech House. Encore une fois, c'est une sélection de Tech House que je trouve assez abordable au niveau de la complexité, qui passe très bien en clubbing et qui sera aussi introduit dans ce concept old school, new school qu'on est en train de mettre en place. Donc mon pote David Air, lui, ça sera la bouée, ça sera la personne qui s'occupera de la mémoire collective et de tous ces morceaux qui trament une soirée. Et je serai là un petit peu également pour mettre un petit peu des strass et paillettes sur ce qui se fait actuellement de meilleur dans le style. Donc on va arrêter de parler, place aux galettes et on va enchaîner donc avec un mix Tech House. Vous êtes bien sur le son de l'underground, vous êtes bien avec Fred Cominatia et vous êtes vraiment très bien sur Radio Var Méditerranée dans le monde entier. Children that play, those creative minds who so oftentimes finds the mystery of the world which society blinds. I am thinking of how in this twisted life I'll go, holding on to lost fantasies of hope, daydreams to one day elope out of this mind state of dope. It seems as if we need permission just to do you, and if you need that permission, well, you're in trouble. Yeah. that. Hey, lion, why? How about this? How about that? ones who don't appreciate the history of the game. So for all you up and coming DJs, don't get discouraged, stay the course. Just keep on playing funky music. there be house. He opened our minds to the possibilities of expression. And with that one line, he made us believe all things were possible. And that no man could put us under. Four words that moved the nation. Four words that shook the floor. Four words that seeped into my bones and made me deeper than the deepest sea and higher than the tallest mountain. I love my house, house, house, house, house, house, house, house, house, house, house, house. This is House Music. House Music. House Music. This is House Music. House Music. This is House Music. Like the oceans and the waves, I'm drifting on. I'm drifting now. All of my instincts come to leave to run away. Run away. Thank you.

bien, l'émission Le Son de l'Underground, quatrième édition de cette année 2020, touche à sa fin. J'espère que vous vous êtes régalés. Moi, je me suis régalé, en tout cas, de mon côté. Cette troisième heure, donc, était plutôt tournée tech house. Là, je pense que sur le dance floor, il n'y aura pas photo. Donc, si vous aimez ce genre de son, suivez-nous, Mirabel, Good Vibes, le concept Good Vibes, qui va tourner dans plusieurs différents clubs et différents établissements de la région. Voilà, donc bah, je vous souhaite une bonne semaine, en tout cas une bonne continuation sur Radio Var Méditerranée. Et puis bah, avec plaisir, je viendrai vous revoir jeudi prochain pour des nouvelles galettes, j'espère, des nouveautés, ça serait sympa. Et puis en attendant, bah, je vous laisse avec le playlist de la radio. Et je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à toutes, partout dans le monde qui nous suivez sur internet et sur l'application. Bonne soirée, bonne semaine.